Donc après, il va falloir nous expliquer le sens de la ilaha illallah, nous expliquer la divergence qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. Il nous a dit que, parce que tu as compris toutes ces choses-là, donc tu dois être heureux. Donc heureux d'avoir appris donc, une science, toute science que tu apprends, tu es heureux de l'avoir acquise. Tu dois être heureux également, car grâce à cela, tu fais partie des gens qui t'ont pris, tu t'éloignes des gens de l'association. Et également, tu es heureux donc, car tu as compris le sens authentique de l'islam. Mais également, cela t'amène à avoir peur. Avoir peur justement de tomber dans l'association qui est le pire des péchés. On avait expliqué également que Ibrahim, alayhi salam, malgré que donc c'est le halif, celui qui s'éloigne du polythéisme, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant Wajdubali, Wabali, Al-Abdel Aslam. C'est-à-dire, effectivement, moi et ma descendance d'adorer les statuettes. Rabbana innahunna adlalna kathiran min an-nas. Oh mon Seigneur, car elles ont égaré un grand nombre de personnes. Et l'auteur, rahimahullah, on a fini à ce mois, il dit que la personne, elle peut prononcer une parole de mécréance. Elle prononce une parole de mécréance tout en ignorant que cela est de la mécréance. Et l'auteur, rahimahullah, il dit que cette personne n'est pas excusée pour son ignorance. On avait expliqué donc la position de l'auteur rahimahullah par rapport à ce sujet que l'on appelle le Uzru Bil-Jahl. Et on avait dit que l'auteur, donc, il a plusieurs paroles à ce sujet, on l'avait réuni en disant que Roi Yuhadir fi Masa'il al-Fatiya, voilà Yuhadir fi Masa'il al-Zahira. Et la Ashraqa Bil-Sel fi Masa'ilati al-Zahira, fa'il al-Mu'adir rahimahullah, يحكم عليه بالكفر انه لا يعبر بالجهل ثم يقول خصوصا ان الهمك الله ما قص عن قوم موسى مع سلامهم وعلمهم انه اتوه يعني اتوا موسى قائلين جعلنا الها كما لهم الها بنو اسرائيل عندما نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وقومه وأغرقهم في البحر عندما يعني وضعوا الأرض اليابسة وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم هذا بنو إسرائيل يعني بعدما رأوا من المعجزات ومن نصر الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى أفضلهم على العالمين في زمانهم أن نجاهم فرعون الذي كان يسوم سوء العذاب مع كل ذلك عندما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة المؤلف رحمه الله ذكر هذه القصة تخويفا لأهل التوحيد أن هؤلاء مع أنهم شاهدوا المعجزات وعاشوا مع الأنبياء والمرسلين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة المسلم الذي لم يشاهد ذلك عليه أن يكون خوفه من الوقوع بذلك أشد مفهوم؟ فالفكرة في نسيت le verset de Surah Al-A'raf, où Bani Israël, donc ils ont dit à Moussa, donne-nous une divinité comme ces gens-là ont des divinités. Donc Bani Israël, après que Allah Ta'ala les ait libérés de Pharaon et son peuple, qu'il ait ouvert la mer devant eux, qu'ils soient passés, et qu'il ait noyé Pharaon et son armée, et lorsqu'ils sont arrivés à la terre ferme, ils ont trouvé donc des gens qui étaient agroupés autour de cette statue. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Moussa? À Moussa, ils ont dit Ja'alna ilaha kama lahum ilaha. Ô Moussa, donne-nous une divinité comme ces gens-là ont des divinités. L'auteur nous cite ce récit, car nous, un jour s'est malgré qu'ils aient vécu avec Moussa al-Salam, avec Harun al-Salam, que Allah leur a donné beaucoup de dons et beaucoup de sa grâce, malgré qu'ils aient assisté au miracle de Moussa al-Salam lorsqu'il a, par exemple, lancé son enfant, etc., qu'ils ont vu la mer sortir devant eux, malgré cela, ils ont dit à Moussa, il a la terre, il a la terre. Il faut que la personne qui ait vécu avec les prophètes, qui ait vu les miracles qu'ils ont vus, ils craignent encore plus de tomber dans ce dans quoi ils ont tombé. Donc c'est pourquoi que sur notre auteur, parmi nos rois, on nous cite ce récit de Moussa avec son peuple. ثم قال المؤلف واعلم انه سبحانه بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعله اعداء كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لاعداء التوحيد علوم كثيره وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. Donc à notre paragraphe, l'auteur رحمه الله, il nous dit et sache que Allah subhanahu wa ta'ala, sa sagesse, il n'a pas envoyé un seul prophète avec ce théorie. Sans qu'il ait mis devant lui des ennemis. On a dit dans le Coran, on va qu'elle ait jamais les plus d'ennemis dans le monde. Et c'est ainsi que nous avons donné à chaque prophète un ennemi parmi les démons, donc des hommes et des diables. Il y a des ennemis parmi les hommes et parmi les diables. Yuhi ba'adhum ila ba'adhum zukhruf al-qawl ghurura. Se rappelant les uns aux autres des paroles envenimées pour tromper les gens. Zukhruf al-qawl ghurura. Il dit ensuite, et il se peut que les ennemis de tawhid possèdent de grandes sciences. Il se peut que ces gens-là également possèdent des livres qui il se peut également qu'ils aient des arguments, comme le dira Subhanahu wa Ta'ala, sur la grâce, lorsque leurs prophètes leur sont venus avec les preuves, ils étaient heureux de ce qu'ils possédaient comme science. L'âme de Mohamed, il y en a un يريد أن يعلم القارئ أن من تعلم التوحيد وفهمه وعمل به ثم دعا إليه لا بد أن يجد أمامه وفي طريقه جملة من الأعداء وهذا لابد ما دام أنه سلك طريق الرسل والأنبياء لا بد أن يجد عدوا أو أعداء يعادونه ويعادون دعوته ويعادون ما هو عليه من التوحيد. Donc le temps est aussi cela. Donc après nous avoir expliqué ce qu'était le tawhid, quelle était la divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que celui donc qui a appris tout cela, qui a compris tout cela, qui l'a mis en application, puis appelle à cela, forcément, il va trouver devant lui des ennemis. Donc ça, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui suit cette loi, forcément, rencontrera des ennemis. Qui le détesteront, son message, qui essaieront de faire fuir les gens de son message. Ça est arrivé à l'auteur à un moment et à d'autres savants avant lui et après lui. وإذا عرفت ذلك عرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج. الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعقلي من الموحدين يغلب الالف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وان جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجه واللسان كما انهم الغالبون بالسيف والسنان. وانما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله سبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. فلا ياتي صاحب باطل بحجه الا وفي القران ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. فكان لوط قالها ورده من الله دي si tu sais cela, la chose qui a été citée précédemment, tu sais alors que le chemin vers Allah, Baraka wa Ta'ala, est semé d'ennemis assis sur ce chemin. أهل فصاحة c'est-à-dire des gens éloquents. وعلم des gens qui possèdent de la science. وحجج des gens qui possèdent des arguments. L'auteur de Allah, lorsqu'il s'est retrouvé face à ceux qui mettaient des ambiguïtés sur sa da'wa, c'était pas des ignorants, c'était des savants de son époque, des gens de science. Des gens éloquents, des gens avec des livres, des motivations, des arguments. Il dit ensuite, alors j'y croyais. Il était donc obligatoire que tu apprennes de ta religion ce qui sera pour toi une arme avec laquelle tu combattras ces démons. C'est un mot qui appelle à l'association. Ceux, donc ces démons, ceux dont leur chef et leur guide a dit à son Seigneur, à Saoujel, c'est-à-dire fils, il a dit, la parole de la Rousseau est restée. Il a dit, donc, je vais m'asseoir sur ton chemin droit. Foum la tia la humaine, et je viendrai devant eux, comme Khafi, derrière eux, à l'imani, à leur droite, à Shamani, à leur gauche, voilà la tâche de Akhtarum Shachin. Et grâce à cela, tu trouveras que très peu de tes serviteurs reconnaissent. Il est bien sûr, mais il a un peu de mal. Si tu te diriges vers Allah, pour assainir la religion au Kéinat, et tu écoutes les arguments de Allah subhanahu wa ta'ala, et ses preuves, à ce moment-là, ne sois pas triste et ne crains rien, et ne crains pas le shaitan, ni la taille. Car le stratagème de shaitan est faible. Il dit ensuite que l'âme, c'est-à-dire l'âme, c'est l'homme de la masse. Parmi les mouahidi, il y a des mouahidi qui ont le même âme et le chien. Il prend le dessus sur 1000 parmi les savants des associateurs. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, « Inna juddana yukhra les bons. » Notre armée seront, ou bien sera, les vainqueurs. Il nous dit, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils prennent le dessus sur leur ennemi par l'argumentation et par la parole. Les belles paroles, comme parfois ils prennent le dessus par le seif, le silène, par les armes et par les guerres. Il dit, donc l'ennemi n'a pas avoir peur, mais celui qui a de la science n'a pas avoir peur. Celui qui a peur, c'est le mouahid, celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui suit le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais n'a pas d'âme, il est ignorant. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné de sa grâce son livre, qu'il a rendu tibial ou péché, qui est une démonstration de toutes choses, pour vous donner. Une guidée pour la fête, une miséricorde, un bouchra, une bonne nouvelle pour les musulmans. Il nous dit, il n'y a pas une personne parmi les gens du faux qui vient avec un argument sans qu'il y ait dans le Coran ce qui annule cet argument. Et montre donc son aspect. Comme le dit Allah, on l'a écrit avec Nathalie, ils ne viendront pas avec un argument sans qu'ils viendront avec la vérité. Et Et meilleure explication. Certains, parmi les gens ont dit, ce verset, sur le Coran, est général pour tout argument qu'apportent les gens du faux jusqu'à Yawm al-Qiyam. Rien n'est pas grave. Le Mouaïd est fort, il y a un moment, il y a un autre mot, il y a un autre mot, لأنه سيجد أمامه أعداء ليسوا بجهاله بل هم أصحاب علمه وأصحاب حجج وأصحاب فصاحة قد يكون لديهم تلاميذ وكتب فإذا أردت أن ترد على هؤلاء بين بطلان منهجهم لابد لك من العلم. وكتاب رحمه الله يريد أن يعطيك الأهمية للعلم. الأهمية للعلم هو أن الشخص الذي يريد أن يقرأ التوحيد سيجد أمامه أناس من العلم الذين سيضعون في الأمر التوحيد والتوحيد. Et ces gens-là ne sont pas ignorants. Ce sont des gens comme des docteurs qui possèdent des arguments, qui possèdent de la science, qui possèdent de l'éloquence. Donc toi, si tu veux être à la hauteur, il faut que tu sois armé. Il faut que tu sois armé. سيذكر شبهات القوم انهم ما اشركوا مع الله تبارك وتعالى عندهم ادله ياتونك بالاحاديث وياتونك بالايات في القران تكون في ظنه مؤكده لهم عليها واقسام فانت اذا لم يكن عندك علم كيف تجيب على هؤلاء أو على هذه الشبهات. Donc on va voir au fil et à mesure du livre qu'il va citer donc les ambiguïtés que citent donc les gens de l'association à son époque pour appuyer donc leur polythéisme. C'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas du polythéisme. Ils attendent des versets du Coran, des familles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils pensent être en conformité avec ce qu'ils font. Donc, si toi tu n'as pas de connaissance, comment vas-tu faire pour blâmer ces gens-là? Tu vas les blâmer, tu vas les sécher, ils vont dire comment il a dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. Donc tu seras incapable de répondre à ces gens. Et donc la science que l'auteur, la science de l'auteur parle, c'est la science que l'on appelle Rémojodo, c'est-à-dire comment réfuter les erreurs des gens. Ah, donc ces gens-là, lorsqu'ils citent un verset, c'est une erreur. Ils appellent les gens à l'association, avec des versets. Donc l'auteur, il veut dire que la science qui se soit écrite, c'est la science qui te permet de répondre à ces gens. Ce qu'on appelle un ilmu al-radud. وهذا العلم ليس متاحا لاي احد هذا العلم هو خاص بالعلماء وطلبه العلم اما الشخص الذي ليس داخلا في العلماء ولا في طلبه العلم ليس مطالبا ان يقرا هذه علم الرد المطلوب منه أن يتعلم ما يصحح به دينه وليس بمطالب كذلك أن يجادل ويناظر هؤلاء القوم هذا ليس المسلح أصلا فهو قد يدخل أو يخوض في معركة معهم ثم يذكرون له شيئا من شبهاته فتعلق بقلبه فيصبح منه الرجل الذي ليس بقلبه ولا بعالم هو يتعلم ما يصحح به دينه ويمشي على هذا donc on peut parler de temps de science et plus précisément à l'école comment répondre aux ambiguïtés c'était par les associations. Cette science-là, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Ce n'est pas une obligation pour tout le monde de la connaître. C'est une obligation pour les savants de l'islam et les étudiants. Quant aux gens de la masse, ce qu'il leur est demandé de faire, c'est d'apprendre les choses authentiques de leur religion, la théorie, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, choses simples, et qu'ils avancent ainsi. Il n'est pas demandé à une personne sans science de débattre. Il n'est pas demandé à une personne sans science d'aller appeler au chéquier et de répondre à leurs ambiguïtés. Car il se peut qu'en faisant cela, qu'il n'ait pas des arguments suffisants et qu'on lui cite d'autres arguments et qu'il se retrouve après parmi ces gens. Donc l'auteur n'a pas le donc, lorsqu'il nous parle donc, de science à Mbogo, il veut parler donc, des savants et par la date les. Fakal, Fawajibu alayhi atada'alam dihillahi bayasou islaham. Est-ce qu'il faut également que l'auteur a parlé, il nous parle des savants par la bataille? Car après, il va parler de la loi Al-Bala'ani. Il va dire ensuite, quant aux gens de la masse. Il faut que l'auteur va vraiment faire la différence entre Pala Batayel et le Lama, Pala Batayel et la loi. C'est trois catégories de personnes, une fois plus. Soit on est un savant, soit on est un étudiant, on recherche la science, soit on est une personne de la masse. Et la personne de la masse, c'est celui qu'on a demandé d'apprendre. Ce qui rend sa religion complète. Donc, les ablutions, la plupart des choses que la personne peut voir quotidiennement. Quant au savant, on aurait demandé d'apprendre plus encore et la classe familiale, que ce sont pour la date cette année. La loi, j'ai demandé que la parole de l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, l'Ilaï, الذين قال إمامهم ومقدمهم لربهم عز وجل وأردنهم صراط مستقيم ثم لآتينهم بأيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا أراد الإنسان أن يرد على هؤلاء لا بد أن يطلع على مؤلفاته وكتبه. ولهذا فكيف أنت ستعرف شبهاته إذا لم تطلع على كتبه؟ ولهذا أنا خاص بالعلماء والطلبة إليه. Donc, le temps à prendre, je vous dis, donc il faut que tu apprennes de la science, ce qui sera pour toi une arme avec laquelle tu combattras ces démons. Ce dont le Rangui a dit, ensuite de la scène sourate qui t'a raf. Donc, le temps à prendre, il dit que tu vas apprendre la science, c'est pas pour faire de répondre à cela. Mais en même temps, pour répondre à cela, il faut tout d'abord connaître ce sur quoi il s'appuie. Donc, ce qui appelle le savant et l'étudiant en sciences religieuses à lire leur livre. Ou bien, par exemple, à notre époque, d'écouter leurs audios, ou bien assister à leurs cours pour justement savoir sur quoi ils se basent. Et pour ensuite, justement, pouvoir répondre à ces moments. Alors, là, on a un cas où, أن يطلع على مثل هذه الكتب. والرابط الأكبر هو أن يعلم الإنسان عن نفسه. وكسوة رحمه الله permettant à l'étudiant de lire dans les livres de ces gens-là. Et donc, la plus grande condition est justement d'être devant une croyance saine et d'être sûr de ne pas être affecté par les preuves et les arguments qu'ils saisissent. Comme a dit le livre, voilà qu'il a appris à Allah, passer par les projets de vie au pays d'Asie, par la carte de la cassette de laquelle le chiffre a mis, car il a l'insan, il a tawajja il a rabbi, subhanahu wa ta'ala, واستمع إلى الحجج والبينات الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فإنه يذهب عنه الخوف والحزن. فالإنسان إذا أقبل على محاربة هؤلاء الأعداء قد يخاف منهم وقد يحزن، ولكن إذا تأمل في الأدلة والحجاج التي ذكرت في القرآن عليه ألا يتقبل الإحزان، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. سيجد في القرآن حججا وأدلة كافية في الرد على هؤلاء، في الرد على هؤلاء. وكذلك الإنسان يتذكر أن كيد الشيطان ضعيف، سواء كان الشيطان من الجن أو من الإنس. فإذا كان معك القرآن وحجج القرآن وأدلة القرآن فلا تخاف ولا تحزن. Qui appelle à l'adoration d'autres pour avoir son point dans le monde derrière, et surtout que la personne en soit prise de crainte et d'angoisse. L'auteur nous dit que la personne n'a rien à craindre, car elle trouvera dans le Coran beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments suffisants pour répondre à toutes les ambiguïtés de ces gens-là. Et également pourquoi il ne craint rien et n'est pas angoissé. Car le musulman se rappelle que Allah Ta'ala nous a parlé dans le Coran du stratagème du Shaitan. Il nous a dit qu'il n'a qu'un Shaitan qui est un moyen. Le stratagème du diable est faible. Que ce soit Shaitan ou Anis ou bien Ménagie, que ce soit un démon ou bien un homme. Thumma, يقول العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء. الآن أوجه نصيحة للعوام، فالعامي والعامي كان موحدا فإنه هذا، فإنه يغلب كما قال المؤلف الألف من علماء هؤلاء المشركين. فالعوام غالبون ومقتصرون لأنهم يملكون في قلوبهم عقيدة صحيحة لا يشركون مع الله تبارك وتعالى شيئا. وإذا كان كلمة الموحدين فهم داخلون في جنة الله تبارك وتعالى وصلى الله تبارك وتعالى وإن جدنا لهم في الغالبون. ولكن كما قلنا العامي أن لا يخوض مع هؤلاء في الأخذ والرد، لأنه يخشى عليه أنه يدخل في شيء لا يتقنه وقد تصيبه شيء أو يصيبه شيء من شبهاته فيصبح منه. فقلت رحمه الله وقد قال الكونسيي صلى الله عليه وسلم العامي كل فصل بلا فصل فعميه هو حليه. C'est-à-dire la personne qui connaît les choses correctes de sa religion sans être un savant ou bien fâché. Il dit, cette personne-là, il prend le dessus sur 1000 savants parmi les savants, donc les associateurs. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un peu de mal. Donc, c'est un conseil donc, à l'Allah pour montrer que même eux, ils prennent le dessus. Ils sont victorieux, car ils possèdent donc une croyance authentique. Ils possèdent une croyance authentique, et toute personne qui possède une croyance authentique fait partie de l'armée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, défendant et accueillant contre eux. Mais également, comme tout à l'heure, l'âme ne rentre pas dans les discussions, les débats, etc. Car il se peut qu'il se trouve face à des gens qui vont lui citer des arguments, des ambiguïtés auxquelles il ne saura pas répondre. On se pensait également par des hommes qui font certaines personnes à notre époque sur Internet. Les gens ils débattent avec tout le monde et n'importe qui. Ils débattent avec elle qui l'aide. Elle est dans le but de les appeler à l'islam, etc. Ils débattent avec les associateurs, dans le but de les ramener au Coran. Ils débattent avec les innovateurs, dans le but de les ramener à la Sunna. Sauf que, il n'est pas armé. Il n'est pas armé. Il pense que sa seule attention sera suffisante pour faire tout cela. Si c'était aussi facile, pourquoi les gens étudieraient aussi longtemps? Et il se peut que, comme on l'a dit, tu rentres dans le débat, dans les discussions, et on te cite par un livre, un verset, tu seras capable de répondre, et peut-être même tu seras convaincu à la fin par la chose sur laquelle se sèche. Le musulman, comme on l'a dit, il apprend, le musulman d'un instant, il apprend ce qui corrige comme sa religion, et il avance ainsi. Il ne devait pas demander de faire plus que cela. ثم قال وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فلا يأتي صاحب الباطل بحجة إلا في القرآن ما يذكرها ويبين كتمانها فقال تعالى ولا يأتيك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. مراد الألف هنا أن يبين الإنسان أن القرآن الكريم مليء بالردود على المشركين. القرآن الكريم مع الأسف كثير من الناس يعني إذا أراد أن يرد على هؤلاء سيبحث في كتاب معين ويشتري. القرآن الكريم مليء بالردود على هؤلاء. وسنرى في إجابات الشيخ رحمه الله في كتابه ما يستدل به معظمه من القرآن. القرآن الكريم مليء بالردود على أهل الباطل. فقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول ابن الشعبي رحمه الله مبتدعين، يقول: من ابتدع أو من جُدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله ما يكذبه. وقال الإمام أحمد: لو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع وبدعة. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقرآن قد دل على جميع المعاني التي تنازع الناس فيها نقيضها وجديدها. Donc le fait de penser que Allah Ta'ala nous a donné un grand nom dans le Coran, qui est, c'est bien le chiffre, un exposé de toutes choses, une vidéo, des accords, des combats de l'être pour les musulmans. L'auteur va répondre et dire que dans le Coran, il y a de nombreuses réponses et réfutations aux gens de l'association. Car beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'ils veulent répondre aux ambiguïtés des associateurs, ils vont aller chercher un livre qui va l'acheter dans une bibliothèque alors qu'il a écrit un Coran Kalim, dans lequel il y a des réponses claires aux ambiguïtés, pour répondre aux ambiguïtés, donc des gens du polythéisme. Et on va voir l'auteur à un moment que la majorité de ses réponses, qu'il va citer dans le livre, sont citées du Coran. Ici, des versets du Coran clairs, montrant la croyance du musulman, et grâce à cela, il répond à leurs ambiguïtés. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il nous dit qu'il n'y a pas une innovation qui a été faite en islam sans qu'il y ait dans le Coran donc une chose qui la rejette. Donc une preuve, une preuve pour cela. D'ailleurs, Ahmed Rahimahullah dit, si les gens méditaient sur le Coran, ils se rendraient compte qu'il y a dans le Coran une réponse à chaque innovateur et son innovation. Et des deux ennemis, Rahimahullah, il nous dit, le Coran nous a montré tous les sens sur lesquels les gens ont divergé. Des choses grandes comme des choses plus infimes. Voyez pour le chef de l'islam, rahimahullah, كل آية يحتج بها مبتدع ففيها دليل على فساد القول، وكل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان القول. وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوته إذا استدل المبتدع بحديث وبآية على ذاته، شيخ الإسلام يرد عليه بنفس النص الذي استدل به على الرجل. Mais c'est bien, pour moi, je vous dis, il n'y a pas un verset pris comme argument par un innovateur sans qu'il y ait dans ce même verset une chose montrant que ce quoi c'est basé comme argument n'est pas bon. Pour ça, vous trouvez souvent, chez les sœurs Marie-Romain, le TBA, c'est pas l'auteur, souvent, lorsqu'il répond à un argument d'une personne du faux, il cite la preuve qu'il a citée et il lui répond par cette même preuve pour lui montrer le faux de ce sur quoi il est. Que ce soit d'ailleurs une apprise ou un acte, que ce soit une preuve tirée de la tête ou bien une preuve tirée de la main. Dans tous les cas, il essaie de dire pour moi lui citer la même preuve pour lui montrer donc l'erreur qu'il avait commise en citant cela. إذا فقد سهلها من المقدمة، فإذا من المقدمة وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في موضوع الكتاب الذي هو رد شبهات المشركين الذين عاشوا في زمن المؤلف رحمه الله، وترى ان اشبه القوم تتجدد المشركون في زماننا عندهم شبهات وعندهم ادله غير ما كان يسرى في الماضي. Donc, l'auteur, donc on a fini l'introduction, et on va passer à le sujet, donc du livre, qui est la réponse aux ambiguïtés donc des gens de l'association. Et les ambiguïtés, donc l'auteur a parlé, bah, c'est les 9 ambiguïtés. Et ces ambiguïtés, elles ne se limitent pas à ces œuvres que l'auteur a vraiment assez. Et elles ne cessent de se renouveler. Les associations de notre époque, c'est d'autres choses qui parfois n'ont pas été citées. C'est dans la recherche. C'est dans la recherche des choses dans la vie, apprenant donc ce sur quoi elles sont. C'est pour ça que le musulman, on m'a dit, il est demandé d'apprendre, d'avoir une arme lui permettant de répondre à ces gens. Il y a pour eux, وأنا أذكر لك الأشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام يحتج به المشركون في زماننا علينا فنقول. جواب أهل الناظر من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل علينا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الشفاعة حق، وإن الأنبياء لا أجاب عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يكفرون بالربوبية وأن كفرهم بتعبدهم للملائكة والأنبياء والأولياء مع قوله: إن هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم به لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك في القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها الختام، وما يلقاها إلا الذي صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Donc l'auteur rahimah Allah, il nous dit, je vais te citer des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran, en réponse à une parole prise comme argument par les associateurs à notre époque. Et donc je dis, la réponse aux gens du faux a lieu de deux manières. Mujmal ou mufassal, c'est-à-dire on peut répondre de manière générale et d'une manière détaillée. Amma al-mujmal, donc la manière générale, la première réponse, donc c'est une grande chose, la réponse générale, elle est immense et elle possède de grandes fawaïd pour celui qui la comprend. Celui qui comprend cette réponse, elle est très forte. Car Allah est dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre dans lequel il y a des versets muhkamat. Moi, ici, il y a des muhkamat. Sans équivoque. Et ces versets-là sont homolitaires. C'est-à-dire donc les versets principaux du Coran. Wa ukhrahu mutashabihat. Et d'autres versets sont, qui prête à l'interprétation des versets. Donc il y a des versets clairs, dont le sens est clair, on ne peut pas l'interpréter d'autre manière, et d'autres versets qui peuvent être interprétés de différentes manières. Il nous dit, ceux dont les cœurs sont égales, ils suivent les textes, il y a des versets qui peuvent être interprétés de différentes manières. En espérant par cela, elle fixe là. Ça veut donc causer des troubles, revêtira à la humilité. Et, vous le traduisez ? Un dissension sur la En recherchant quoi ? La dissension. Et depuis que le prophète s'enseigne, il a expliqué ce verset en disant : si tu vois ceux qui suivent les versets équivoque, qui peuvent interpréter comme quelqu'un, voilà ceux dont on va se faire de la parole. Sous la parole de Allah, par la parole de l'égard de l'homme. Il est interprété par la parole aussi. Et il donne l'exemple. Si un associateur vient à toi, une personne qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah il a oublié Allah, il a trop parlé de l'homme. Il dit les amis d'Allah, l'Aouya, n'ont rien à craindre. Et ne seront pas angoissés. Et il dit également que chacun, l'intercession, est une chose vraie. Et il dit que les prophètes ont un rang auprès d'un. Donc voilà comment il veut essayer d'approuver la chose qu'il fait. Il dit Il a oublié Allah, il a pas de problème. Il le dit Shakara, il va peut-être citer des versets et des hadiths. Il dit la prière de il dit les prophètes, ils ont un rang auprès de la sur le de ou bien il cite une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appuyer la chose sur laquelle il est. Il nous dit que toi tu ne comprends pas donc la parole qu'il a citée. Tu lui réponds de cette manière. Donc là, on est dans le dialogue homogène, de manière générale. Tu lui dis, Allah dans le Coran, il a cité que ceux qui ont de l'égard dans le cœur, ils délaissent les versets clairs et ils suivent les versets équivoques. Premièrement. Donc toi, toutes les choses que tu vas citer, ce n'est pas des choses claires se prouvant ce dont tu veux t'appuyer. Toi, tu appelles à invoquer autre que Allah dans la vie de la terre. C'est quoi tes preuves ? Il y a Shafa'a. Ce n'est pas des choses claires sur ce sujet. Donc, tu laisses les versets clairs et tu vas chercher les versets équivoques. Et il nous dit, donc l'auteur, il nous dit moi, précédemment, je vous ai cité que les sauveurs, donc, ils acceptaient à vos oubliés. C'était précédemment. Et que leur association s'était caractérisée à approcher donc aux anges, aux prophètes, aux saints, en disant ils ont dit voilà nos intercesseurs au présent. Donc, ça, à moi, c'est une chose manquée, c'est une chose qui ne peut être interprétée. En même temps, le Coran, regardez-nous, ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur nuire ni leur être utile. Voyez, vous nous n'avez pas de l'échauffeur et ils disent voilà nos intercesseurs auprès d'eux. Ce verset-là, il ne peut être compris de plusieurs manières. Il est clair que, donc, ils ont invoqué des autres que moi en les prenant comme intercesseurs. Et puis ensuite, ce que tu m'as cité du Coran, bien ta parole du prophète sur le salam, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il est allié à la personne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que tu me parles de Shatara, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais une chose est sûre, c'est que il n'y a pas de contradiction dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala nous impose de l'adorer seul, qu'il a blâmé ceux qui invoquaient avec lui autre que lui dans l'adoration, et qu'à côté, il soit permis de faire cela. Il y a une contradiction. Et lui, maintenant, je sais que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas à l'encontre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je m'accroche à ce qu'on appelle le conjugal et le mutashabi. Je l'explique en revenant au mutashabi. L'auteur de la parole à la jawab dit. Ça, c'est donc une bonne réponse, c'est dit. Donc, il est exact. Mais il dit la yafhamu illa man wafaqahu. De te comprendre cette réponse que celui, donc la compréhension de la facilité, cette compréhension. Je dis ensuite, fala tastahil. Je ne pense pas que cette réponse soit faible. Je ne pense pas que cette réponse est faible. Je dois répondre argument par argument. Et si tu te bases sur n'importe quel, tu sais que il n'y a pas de contradiction à la parole d'Allah. Donc tu te bases sur les versets clairs. Ou Allah n'a pas la parole d'Allah, nous impose de l'adoration. Où il nous a envoyé là les associateurs. Où il sait également que les associateurs croyaient en Aroulia. C'est des choses qui peuvent être interprétées. Et lorsque tu nous dis que l'Aroulia n'ont rien à craindre et ne sont pas angoissés, et nous, le lien, on peut comprendre différemment. Donc on se base sur les versets clairs et on les laisse les versets équivoques. يقول ابن القيم رحمه الله قسم الله تبارك وتعالى الأدلة السمعية إلى قسمين محكم ومتشابه وجعل المحكم أصلا للمتشابه وأما له يرد إليه فما خالف المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم وقد اتفق المسلمون على هذا ابن القيم رحمه الله يقول donc deux sortes de preuves. Il dit que Allah a divisé les preuves, comme dans le texte, de deux catégories. Mortel ou mutashabih. Mortel, exactement. Clair. C'est assez clair, je peux être compris que d'une seule manière. Et mutashabih. Le verset équivoque. On peut comprendre de différentes manières. Et il nous dit que mortel, c'est la base de notre échelle. Bon, au même niveau de l'homme, et donc c'est une manière, c'est la chose qui te permettra de comprendre. Elle vaut l'échelle, c'est mortel. Si tu doutes de l'interprétation de l'échelle, tu reviens mortel, tu pourras le comprendre. Et il dit, donc s'il peut y avoir, par exemple, dans ton cœur, une sorte de contradiction entre les deux, tu comprendras que déjà vu, après le week-end, il dit que le fait d'avoir aussi des mots, tous les musulmans sont d'accord pour cela. Je vais vous dire que là, ça y est, que le Jawab de Moujmel a la Choudani Moushiki. Quand le Kaïda, le Jawab de Moujmel, transforme Hatta Lala, elle dit Khalid d'ailleurs. إلى مثلا هذه التربة إلى سماع شبهي هؤلاء فهو يقول لا أفهم ما تقول ولكن في آيات واضحة تبين أن العبادة تكون لله وحده لا شريك له هذا تأتيه بأدلة أن لا نفهم معناها Cette réponse générale, la Jawab al-Mujmal, elle peut également être utile, même pour la personne qui n'a pas beaucoup de sens. Comme maintenant, la base, la Ami, qui ne rentre pas dans les débats religieux avec les autres. Mais le temps qu'il se retrouve forcé, à ce moment-là, il répond avec cette réponse-là, en disant, je n'ai pas compris ce que tu dis, mais moi j'ai une idée exceptionnelle qui appelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ne peut être, ces textes-là ne peuvent être compris que d'une seule manière. Et toi, ce que tu me cites, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le lien entre ce à quoi tu appelles et les preuves sur lesquelles tu t'appuies. Donc je reviens au texte clair. فهذه القاعدة أن تصبح كذلك في كثير من الأبواب. فإذا شخص بأمر يخالف التغيرات ويخالف الإجماع الإنسان يرد ما قاله من النصوص الصريحة والأمور المعهودة. إن كان شخص جاءك وقال لك إن الذبح للأولياء وللملائكة والأنبياء ليس شركا ويذكر لك أدلة ويذكر لك نصوص ماذا تفعل؟ تقول لها أي نصوص واضحة الذي لا تحتمل التأويل قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا واضح قال تعالى فصل لربك وانحر فنرد المتشابه الى المحكام طيب لو جاءك شخص وحاول ان يفضل احد الصحابه على ابي بكر وعمر مثلا ويذكر لك ادله ويذكر لك مثلا اخطاء وقافله عن الصحابه ترجع الى الأدلة واضحة مع زوجة الثاني رضي الله عنه ورضاه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له من أحب الناس إليك قال أبو بكر أنت لا تهتم كذلك لو جاءك نصراني لو جاءك رجل نصراني يؤمن بالتثليث وبالآب والإبن والروح القدس فقال لك عندكم في القرآن ما يدل على أن تعذيب الآلهة قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا نحن كيف تأخذون ليلة واحدة الله عز وجل يعني يتحدث بجبل شو الجواب؟ إنما إلهكم إله واحد قل هو الله أحد أما ذكر ربي يحتمل هذا في العربية وحتى في غير العربية بسبب جمع التعظيم هذا الفصل يعني شخص يعظم نفسه يقول له عندنا أدلة واضحة فنرد المتشابهة إلى المحكم وذلك الأمثلة التي إن شاء الله دونك سيت ريغل سي با سيمون في التوحيد دون تو بوكو دو سوجي دونك ديك هي اون بروف إيكيفوك تو لي كومبري دو ديفيرونت مانيير اون اغا ميم اون بروف كلير باغ إكزومبل سي Une personne vient et vous dit que le fait de sacrifier donc un animal, par exemple, pour autre qu'Allah, pour un saint, pour un prophète, etc., ce n'est pas du chien. Il vient de ramener des preuves. Je sais des versets, je sais des hadiths, qui ne seront pas clairs. Et qui auront un petit lien avec ce dont il parle. Je vous dis, moi j'ai des textes clairs, justement, qui ne peuvent être compris que d'une seule manière. Allah a dit, passant des rapides au nom. C'est-à-dire, prie pour ton Seigneur, mais c'est pour lui. Allah a dit, pour lui, la salati, ou la nusuki, ou la nahiyaya, ou la nati, ou la nati, rabbi al-alam, shahidi al-alam. Allah dit, dis ma prière, ma salati, wa nusuki, mon sacrifice, ma vie, ma mort appartient à Allah, sans associer. Donc ça c'était assez clair. Également, si, par exemple, un chrétien, donc qui croit à la Trinité, il nous dit, vous aussi dans le Coran, vous nous blâmez d'adorer autre qu'Allah, mais dans le Coran, en vrai, il parle au pluriel. Parce qu'il dit, inna azalna, inna azalna, inna azalna. Ça, c'est pas un argument clair. Donc toi, tu ramènes cela au texte clair. Allah dit, inna ma ila hukum, ila hukum. La vérité n'est qu'une et seule, une seule la vérité. Qul huwa Allahu ahad. Donc les versets qui sont clairs, l'on appelle al-muhkam. نكتفي بهذا ونكمل الشرطان ان شاء الله تبارك وتعالى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.